m'écoute qu'à part. Mes faux départs, mes faux retours, un mal d'amour, mes coups de folie, mes nostalgies, mes faux rideaux, mes coups dans l'eau, mes faux serments, de vrais romans, mes faux regrets, mais plus jamais. Mes abandons, mes trahisons, t'en as tant vu que tu pleures même plus. Et puis tu vois, je suis toujours là, je suis toujours là, entre des rêves et moi, et toujours toi. Entre deux guerres, entre deux croix, si loin que j'aille au bout de moi, je reviens vers toi, toujours vers toi. Tình em chào anh, tình em tha thiết nhớ đêm hôm nào tình đến vội vàng. Em ơi lắng nghe nhạc khúc êm đềm, và tay trong tay tình sẽ vững bền. Tìm trong mắt nhau tình yêu thắm sâu, hãy yêu em ơi, tình đã nhiệm màu. Rồi ta cho nhau ngàn muôn yêu thương, tận trong con tim em hỡi dâng tràn. Hãy đến bên anh, hãy đến bên anh, có thấy không em những đóa hoa xinh. Tình yêu như những cơn mơ dịu êm, tình sao ấm nồng. Hãy đến bên anh, tiếng hát hiền thanh, tiếng hát lanh đênh. Người yêu em ơi, cơ duyên bao năm, giấc mơ tình ai, giấc mơ tình ai. Tu n'as pas honte, et je rencontre que je fais comme si tout m'était dû. T'aurais dû me faire peur, partir une heure. T'aurais vu comme j'aurais couru. Voilà pourquoi je suis toujours là, entre deux rêves et moi, et toujours toi. Je suis toujours là, entre deux guerres, entre deux croix. Si loin que j'aille au bout de moi, je reviens vers toi, toujours vers toi. Je suis toujours là, entre deux guerres, entre deux croix. Si loin que j'aille au bout de moi, je reviens vers toi. Si loin que j'aille au bout de moi, je reviens vers toi, toujours vers toi. Suis toujours là, entre deux guerres, entre deux croix. Si loin que j'aille.